ça fait bien d'être à Paris. Ses parfums, ses sourires amis, j'en avais oublié le prix. Comme un souffle, comme une vie, qui n'appartient qu'à toi, Paris. Tant que les Martiens t'auront pas pris, Paris, tu seras toujours Paris. Ce qu'il a fallu de rêve, ce qu'il a fallu qu'on crève, pour que Paris, tu sois Paris. Ce qu'il a fallu de chance, de bravade, d'insolence, ce qu'il a fallu de peine, ce qu'il a fallu de haine, pour te modeler une âme, pour en rallumer la flamme, ouais. Ce qu'il a fallu de drame, de vie d'homme, de vie de femme, pour que Paris, tu sois Paris. Ce qu'il a fallu de chance, de talent et de patience, ce qu'il a fallu d'artiste, de clochard, de bouquiniste, ce qu'il a fallu qu'on t'aime, qu'on t'écrive de poèmes, ouais. On t'a chanté sur tous les tons, affublé de tous les prénoms, voyou, canaille, mauvais garçon. Sans doute pour de bon. Qu'on danse jazz, qu'on danse disco, ouais, ouais. T'as toujours le cœur au chaud. Guayeur à l'heure ou gigolo, tu feras toujours chanter Margot. Des poètes de leur germain, oui. We'll be right back.